T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Allons-y, ladies and gentlemen, allez, maintenant. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Planet Indie. Nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, et pas que, puisqu'on a élargi quelque peu aussi le spectre des activités qu'on couvre. Donc on ira faire comme chaque mois un petit tour dans le monde de la bande dessinée, on ira voir un peu les manifestations qui se déroulent dans le coin. Mais bon, ça reste quand même, pour l'essentiel, une émission musicale et nous avons de nouveau pas mal de bonnes choses et de nouveautés à vous proposer aujourd'hui, bien entendu, comme chaque mois, des nouveautés que vous n'avez encore jamais entendues ni dans cette émission ni ailleurs, peut-être. On écoutera le dernier morceau de ACG, ça s'appelle Still City Limits. On écoutera des nouveautés comme Ben Lorenzen, comme Michael Ryan, et puis d'autres que vous connaissez, comme Golden Apes qu'on avait découvert le mois dernier, comme Powerplay, Clara Engel qu'on avait aussi écouté le mois dernier. Puis je vous propose de commencer donc tout de suite avec la musique, celle du groupe North Star. C'est un groupe belgo-néerlandais, si je ne m'abuse. Et on les écoute avec Machine Machine. C'est la première fois qu'on les entend dans cette émission. Et puis après, comme je vous le disais, on écoutera le nouveau morceau de ACG avec Steel City Limits. Je vous rappelle aussi que nous sommes présents sur Facebook. Donc vous tapez Planet Indie dans Facebook et vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas, ça nous fera bien plaisir. Nous sommes présents sur internet www.ilovemusic.ga. Et puis vous pouvez aussi nous écouter non seulement via les ondes radio, mais par le site web de RGL, le site aussi de Planet Indie, donc sur le câble télédistribution. Enfin, nous sommes disponibles pratiquement partout dans le monde. Allez, je laisse la place à la musique, celle de North Star avec ce morceau Machine Machine. Bon début de soirée, restez ensemble, restez avec nous, restons ensemble. On est parti pour une heure et demie. Thank you. From Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. My name is Josh from Stone Diamond. You're listening to Planet Indie. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. I was talking to God. I was talking to God. I was whispering the word and heard the saddest of songs. I was talking to the walls. I was talking to the floor. And then a shiver through the ages found a pathway to my door. Say, will this day be the day? c'est une belle nouveauté, c'est la première fois qu'on l'entend. Il s'appelle Ben Lorenzen. Et si vous avez écouté les paroles, eh bien vous avez peut-être remarqué que le morceau s'intitule All Knives Out. Avant cela, c'était le nouveau single de ACG. Lui, on le connaît, mais je crois que c'est la première fois qu'on entend ce morceau. Le morceau s'intitulait Still City Limit. Et puis avant cela, on a commencé avec les Belgos néerlandais de North Star et Machine. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre powerplay. Le mois dernier, si vous étiez à l'écoute pour l'émission numéro 413, eh bien, vous vous souvenez peut-être qu'on écoutait le groupe berlinois Golden Apes. Eh bien, je vous propose un passage de témoin. On va les écouter encore une fois aujourd'hui avec le morceau Casbeck, la plage titulaire de leur album. Et puis après cela, eh bien, on découvrira à qui ils ont laissé la place de Powerplay dans cette émission aujourd'hui de Planète Indie. Allez, Golden Apes avec Casbeck. Voilà, vous commencez à les connaître, le groupe berlinois Casbeck. Le groupe berlinois, on rembobine, on recommence. Le groupe berlinois Golden Apes, qu'on écoutait avec Casbeck, et ce serait d'un album qui s'intitule quant à lui Casbec. Voilà, je vois qu'il y en a qui suivaient, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était la plage titulaire de cet album. 17h20, passons donc à la découverte de notre powerplay pour ce mois de novembre 2019. Ben oui, bien que la météo ait encore été clémente ces jours-ci, on arrive tout doucement à l'hiver, donc voilà, aucun rapport avec ce que je vais vous raconter, mais il faut se rendre à l'évidence, le temps passe. Et le temps passe dans cette émission aussi. Alors je vous propose de découvrir aujourd'hui le groupe d'un homme qui est un vétéran de la scène, on va dire, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il chante, qu'il écrit, qu'il compose et qu'il joue de la guitare. Je vais parler de Kurt Dimmer et de son groupe. Il n'a pas été cherché loin, il s'appelle le Kurt Dimmer Band. C'est donc une association bien de musiciens de la scène rock indépendante qui émerge du côté de la scène des clubs de Baltimore. Et puis ils se sont retrouvés autour de chansons de pop mélodique, écrites donc pour la plupart par le personnage principal de la bande, notre ami Kurt. C'est suite à ces nombreuses années de composition et d'écriture qui ont donné bien aux chansons de cet artiste une certaine perspective sur la vie, une perspective, un mélange de rock optimiste, on va dire, qui est un peu une exception à l'heure actuelle dans le monde musical. Et cela donne aussi à ses compositions eh bien, un sentiment de plénitude et d'immortalité, dans le sens où ces chansons elles peuvent avoir été écrites il y a 20 ans ou maintenant. Il partage donc le même héritage musical que des gens comme Tom Petty, Dave Grohl ou encore Paul Westenberg. Je vous propose donc d'en écouter un premier extrait. L'album s'intitule Gaslight et le premier morceau que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui s'appelle 28 Days. C'est pratiquement le délai qui s'est passé entre l'émission précédente et celle d'aujourd'hui, et je vous garantis que c'est même pas fait exprès. Allez, powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, Kurt Dimmer Band avec Gaslight. Powerplay. Sunshine in the driving rain. Voilà, c'était le nouveau single de Blue Eyed Soul Decay. On les avait découverts il y a 2 ans de cela, je pense. Et là, ils nous reviennent avec un morceau intitulé « Something Better ». Avant de poursuivre la programmation musicale, je vous propose d'aller faire un petit tour en vitesse sur la programmation tout aussi musicale de notre partenaire, la Culture Fabrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Ce soir, c'est la venue du chanteur Miossec. Jeudi 7 novembre, vous pourrez voir le Asian Dub Foundation. Alors, si vous vouliez aller voir Mao Morta, groupe portugais, eh bien, sachez que c'est annulé. C'était prévu le 9. Par contre, le 7, vous pouvez voir Rimini Trio, le 8, Life of Agony. Le 19 novembre, Ginger. Le 14, ça va un peu dans tous les sens parce que j'ai pas les concerts qu'ils ont mis dans l'ordre chronologique, c'est un peu gênant. Le 14, Skip the Use. Le 15, le African Salsa Orchestra de Michel Pinero. Et tant qu'on est dans la musique caliente, soleil, on va dire, le samedi 23 novembre, c'est Iseriso el Flamenco, excusez-moi pour la prononciation, ça veut dire et le Flamenco Fu. Alors une autre dernière petite annonce concernant la Culture Fabrique, le concert du vendredi 6 décembre, ça c'est pas un bon cadeau de Saint-Nicolas puisque Kid Noise devait venir, mais le concert a dû être annulé aussi. Donc si vous aviez ça comme cadeau de Saint-Nicolas, c'est mal barré parce qu'il faudra trouver autre chose. Allez, je vous propose de poursuivre en musique avec un nouvel extrait de Robert Buczynski, un morceau qui s'intitule Frame Shifted. Et avant cela, on retourne un tout petit peu en arrière avec le groupe Remedium et la chanson What I See From Here, ce que je peux voir d'ici. Please make no mistake about this. I'm doing the best that I can. I wasn't quite ready for this. I'm doing the best that I can. What I see from here, this dizzying height, mistakes made so long ago, and wishing this were different doesn't make it so. Have you paid? Walking in a world of wasted whims, just like the setting sun, the downfall has begun. You see how frame shifted you have become. You see how frame shifted you have become. Poor choices and missed victories. You never really notice until too late. From the streets of the Glebe down to the Northern Liberties. If only you could start over with a clean slate, just like the setting sun. Downfall has begun. You see how frame shifted you have become. wanted, you have become. You want to break away and become someone else. What's life without mistakes? You're only human, so forgive yourself. Il s'appelle Robert Buczynski, cet extrait donc non pas de Sightseeing at Midnight comme il l'annonçait, va falloir qu'on actualise un peu le jingle, mais de tout nouvel album, il s'appelle The Breakdown Lane, et on écoutait le morceau Frame Shifted. Avant de retourner sur notre powerplay, eh bien, je vous propose encore d'écouter un autre morceau. Je crois qu'on l'a déjà, écouté. Il s'appelle Michael Ryan et vous en avez peut-être besoin en ce fin de samedi après-midi. De l'énergie, Michael Ryan et le morceau Energy. Thank you. Energy par Michael Ryan. Bah, on peut pas dire que c'est le morceau qui a le plus d'énergie en lui. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, il est. Quelle heure est-il maintenant? Il est. Je ne sais même plus. Voilà, 17h43 minutes. Il est grand temps de passer. Retourner sur notre album Powerplay, l'album Gaslight du Kurt Dimmer Band. J'essaierai de vous mettre un morceau, une vidéo sur notre page Facebook. En tout cas, nous on poursuit la découverte du groupe. Je vous ai dit tout à l'heure que Kurt Dimmer, eh bien, ça faisait une bonne vingtaine d'années qu'il écrivait des chansons, qu'il composait de la musique, qu'il jouait de la guitare et qu'il chantait. Et cette fois-ci, il est accompagné dans son aventure par Chris Maher, qui est le bassiste. Et lui aussi est originaire de Baltimore, comme Kurt Dimmer. Son guitariste principal s'appelle John Christensen. Et il est originaire de la ville de Iron City. Et puis le quatrième et dernier larron, il s'appelle Steve Rose, il joue de la batterie, et lui, alors là, c'est l'intrus, puisque c'est un Anglais, voilà. Ensemble, eh bien, ils ont déjà sorti trois albums qui, dans les années précédentes, notamment en tant que membre du précédent groupe de Kurt Dimmer qui s'appelait Vulgaria. Comme vous avez pu le remarquer, eh bien, le style d'écriture est assez classique, avec eh bien, des guitares qui sont mises largement en avant et qui essayent de pousser le groupe dans des directions inattendues, et qu'ils essayent de s'aventurer eh bien, dans des directions où les groupes de pop ordinaires eh bien, ne vont pas très, très souvent ou n'ont pas trop l'habitude d'aller. On a écouté un premier extrait tout à l'heure qui s'intitulait 28 Days. Celui-ci, ne le prenez pas pour vous, il s'intitule Stop. Donc, c'est pas du tout un exemple à suivre. Ne vous arrêtez surtout pas. Vous continuez à nous écouter. Nous sommes ensemble jusque 18h30, comme chaque premier samedi du mois. Et puis, j'en profite aussi pour vous signaler que cette émission sera rediffusée demain dimanche, aux mêmes heures, entre 17h et 18h30. Et puis, je vous mettrai aussi le podcast sur le site de Planet Indie. Peut-être pas dès ce soir, mais dans le courant de la semaine, j'espère. Et notre site internet, c'est www.ilovemusic.ga. www.ilovemusic.ga. Powerplay. Yeah. Je vous rappelle qu'il s'agit du Kurt Dimmer Band et ils sont powerplay aujourd'hui dans Planet Indie avec leur album Gaslight. On va changer un petit peu de registre musical. On va aller un peu plus dans la musique folk americana avec le Backtrack Blues Band. Et un peu blues aussi, hein. Backtrack Blues Band, Checking on My Baby. Et puis après, ce sera David Macy et un morceau intitulé Come On By. Putting down, I'm checking on my baby. You found out what she's putting down. So many nights and days I have been out of town. You know I wouldn't call home. I would not even write. horizon till it ends. Let's set aside these sins we cannot forget. But it's no use. They shriek inside me like obscene birds, till I just shrug and let them loose. I got some bones that I could pick too, but what's the point now? Where's the game? So many hurts that we could sift through. Who's most to blame? Time and tide, they wait for no one. Life hurries on till it ends. Let's set aside these sins we cannot forget, and live these last few years as friends. September, we had cake and ice cream at the home. Now there ain't much she can remember, but you know she knew I came alone. I tried to tell her you were traveling, but she kept looking toward the door. First unraveling, then just falling to the floor. Oh, time and tide, they wait for no man. Life hurries on till it ends. Let's set aside these sins if we cannot forgive. Elle est sympa cette chanson de David Massey. Elle s'intitule Come On By. Avant de poursuivre en musique avec un groupe qu'on a écouté le mois dernier, et vous l'avez beaucoup apprécié, donc vous nous avez demandé d'en remettre un petit peu. Donc on va remettre une couche aujourd'hui, le groupe Deep Dark River. Je vous propose de passer en revue la programmation de nos amis de la Rocale. Alors on a été un peu au calme les mois de juillet et août parce que eh bien, c'était la trêve estivale. Mais là ça reprend de plus belle hein, parce qu'il y a du lourd, il y a du dossier. Alors demain dimanche, vous aurez l'occasion de voir le groupe Brit Floyd, donc les reprises de Pink Floyd. Vous fermez les yeux et on s'y croit vraiment. Dimanche aussi, ce sera au Main Hall et au club, vous aurez l'occasion de voir Warracles Orchestra Tour. Non, le Tour, c'est le nom du... Warracles Orchestra au club de la Rocale demain dimanche. Lundi, Archive. Le 6, Romeo Elvis. Le 9, Lauren Daigle. Le 10, Flume. Le 13, Emily Sunday. Alors le 15 et 16, c'est le Sonic Vision Music Lab and Festival. Je vous en reparlerai un peu plus tard si j'ai le temps, parce que j'ai du dossier à ce sujet-là aussi. Le 2016, mais ça se passe à la Philharmonie en collaboration avec la Rocale. C'est Herbie Hancock. Donc, si vous n'allez pas au Sonic Vision, allez voir Herbie Hancock à la Philharmonie, c'est très bien. Le 21, D-Lane. Le 22, un autre groupe de reprise, le Dire Straits Experience. Et comme son nom l'indique, reprend les standards de Dire Straits avec notamment un ancien membre de Dire Straits, à savoir Guy Fletcher. Le 23, Ian Paice. Le 25, Snarky Puppy. Le 29, John Williams versus Hans Zimmer. Le 30, Neck. Et puis on arrive au 1er décembre avec Calcutta. Le 2, Amon Amarat. Arch Enemy et Hypocrisy. Le 3, Aya Nakamura. Le 4, Kenji Girac. Au Main Hall est toujours le 4, Denis Lloyd. Le 5, Parov Stellar. Et le 6, Skillet Victorious Tour. Et le 7, c'est le retour de Planet Indie sur les ondes, puisque notre prochaine émission est programmée pour le 7 décembre sur cette même fréquence. Allez, place à la musique avec Deep Dark River et ce morceau intitulé The Hunter. Raise our voices one. Il y a vraiment de quoi aimer leur musique, hein. C'est très très agréable. Ils s'appellent Deep Dark River. On les écoutait avec le morceau intitulé The Hunter, le chasseur. Bah, en plus, oui, ça va être la saison, hein. Le gibier va bientôt arriver. Soyez patients si vous aimez la viande de gibier. Ça arrive, ça arrive. 18h07, passons à notre petite capsule BD, puisque comme vous le savez, cette année-ci, on a élargi notre horizon culturel et nous allons faire un petit tour aussi dans le monde de la bande dessinée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un album sorti déjà au mois de juillet, donc ça fait pas très très longtemps, mais bon... ça avance, ça avance. Un album sorti chez Bambou et qui s'intitule La partie de boule. L'histoire, enfin le pitch est la suivante. C'est l'histoire du jeune Marcel Pagnol. Il passe ses vacances estivales au cœur de la garrigue provençale dans la Bastide familiale. Ses journées sont rythmées par les révisions de latin, de mathématiques, les parties de chasse avec son père et son oncle, en particulier depuis que le cocker de ce dernier fit malencontreusement les frais de leur rapidité à la dégaine, mais surtout par les vadrouilles avec Lily, son amie d'enfance, et Monde des Parpaillounes, le plus illustre braconnier du pays qui apprend aux deux jeunes adolescents les rudiments de son art. C'est alors qu'un soir l'archiviste de la préfecture vient annoncer que le concours de boules de cette année serait particulièrement bien doté. Il parvient à convaincre l'oncle Jules, pas avare mais respectueux de la valeur de l'argent, Joseph le père de Marcel, et Monde de former une équipe afin de défendre les couleurs du village et d'avoir une chance de concurrencer la triplette internationale des Bouches-du-Rhône, la redoutable équipe du facteur d'Aloche. Des étrangers en somme qui a l'habitude de tout renverser sur son passage et est déjà annoncée comme gagnante. Finalement, bien plus que la victoire ou la défaite dans les yeux de jeune Marcel, c'est l'honneur qui se joue lors de la finale de ce concours. Il faudra à tout prix éviter de devoir embrasser les fesses de Fanny. Les amateurs de pétanque, eh bien, comprendront. Le dossier complémentaire en fin d'ouvrage, eh bien, nous montre à quel point la pétanque pouvait être importante dans la vie de Marcel Pagnol. D'ailleurs, il en parle à plusieurs reprises dans son œuvre. Cette partie-ci est tirée du Temps des Amours qui raconte pour l'essentiel des épisodes de sa vie de lycéen ainsi que ses vacances dans ses chères collines. Cette histoire se lit très rapidement, ce qui est quelque peu frustrant car l'exercice s'avère très agréable. Il est vrai que la dramaturgie est un peu plus simple. Quelle équipe remportera le concours? Ou mieux, y a-t-il moyen de battre la triplette internationale des Bouches-du-Rhône? Les camps sont évidemment clairement définis, il y a les bons et les autres. Cependant, si cette partie de boule est l'élément central du livre au point de lui donner son titre, on peut regretter de n'en voir finalement que le dernier coup. Peut-être y aurait-il eu moyen de densifier quelque peu la trame, quitte à prendre quelques libertés avec le texte original. Mais alors, on s'éloignait du principe de la série qui est de retranscrire en BD les œuvres de Pagnol. Ça se passe dans la collection Grand Angle. Le dessin semi-réaliste est très expressif, les couleurs chatoyantes campent bien les personnages, les paysages et l'atmosphère. En fermant les yeux, on se retrouve en plein été provençal à sentir la lavande, entendre l'accent du sud et goûter une boisson anisée bien rafraîchissante à l'ombre des platanes de la place. Ma conclusion, c'est qu'on aurait pu craindre une surexploitation commerciale du filon de la pétanque, puisque cet épisode est déjà évoqué dans une autre adaptation, l'adaptation du Temps des Secrets paru dans cette collection. Cependant, cette partie constitue une histoire à part entière qui tient la route et méritait bien un album pour elle. Gage de qualité et de réussite, on aurait aimé prolonger un peu plus le plaisir. Le dossier final se lit aussi comme un roman, un livre de vacances qui fait du bien et qui peut se lire toute l'année. Voilà pour cette partie de boule sortie donc aux éditions Bambou, une œuvre de Scott Ostoffel et Hübsch. Retour à la musique avec une autre artiste qu'on avait découverte le mois dernier. Elle s'appelle Clara Engel, ou Angel, je pense qu'on dit Engel. Open a Door. C'est aussi dans la douceur. Thank you. fried, touched by the tendrils of a chaque mois, on commence tout doucement à être pressé par le temps en fin d'émission. Donc on va profiter de la fin de ce morceau pour aller voir la programmation de l'abbaye de Neumünster. Le 10 novembre à 11h, ce sera le Martin Schulte Trio qui vous interprétera les Great American Songs. Le 17, Ivan Paduar et Patrick Delterne, et un concert intitulé Hand in Hand. Le 24, toujours à 11h, ce sera Anna Kopf et son groupe pour un concert intitulé Cinnamon. Et enfin, toujours le 24, ce sera un autre concert qui nous emmènera dans des terres italiennes et espagnoles en passant par la cour de Naples. Ça s'intitule L'Italia e la Spagna. Ce sera essentiellement de la musique qui nous fera revivre les 15e, 16e et 17e siècles qui servaient de pont de culture entre les deux péninsules. Et puis comme on est à parler de pays du sud, eh bien je vous propose, la transition est très bonne, d'écouter un extrait du dernier album du groupe Hoc, qui est originaire du sud-ouest de la France. L'album s'intitule Héritage, et moi je vous propose d'aller nous promener puisque ce morceau s'intitule Caminar. Thank you. Camina dentro un cor e dentro un armo. Camina, via di mano. Camina dentro un cor e dentro un armo. Voilà un agréable voyage dans le temps et dans l'espace avec le groupe Hawk et ce morceau Caminar. Eh bien, nous devons encore retourner sur notre album Powerplay. Je vous propose de le faire tout de suite parce que sinon le temps va nous empêcher de le faire. Je vous rappelle le nom du groupe, c'est le Cœur d'Immort Band, un album intitulé Gaslight. Un album qui est composé de chansons qui vous fait penser, qui vous fait boire et qui vous font danser. Le groupe a fait la première partie, notamment d'autres artistes comme Ben Harper, Harper and the Midwest King, June Starr ou alors aussi Andy Bopp. On a dit tout à l'heure qu'ils avaient été influencés par des gens comme Tom Petty, puis on peut citer d'autres artistes que je n'avais pas cités tout à l'heure, à savoir les Counting Crows ou les Replacements. Et puis je termine cette partie en vous donnant l'adresse de leur site internet. Et bah, c'est assez classique, c'est facile. www.kurtdimmerband.com. Dimmer, ça s'écrit D-E-E-M-E-R. www.kurtdimmerband.com. Et le troisième extrait qu'on va écouter ce soir s'intitule A Fire Escape. Fire Escape. C'était notre powerplay dans Planète Indie. J'en perds mes mots. Mountains to climb, but it has a un sérieux problème avec le CD du Kurt Dimmer Band. Alors ce que je vous propose de faire, je vais essayer de le nettoyer un petit peu. Et avant cela, eh bien, je vous propose d'écouter un autre extrait, celui qui était prévu ensuite, à savoir l'artiste belge Anantakara. Et un morceau intitulé Intuitions Breeze. C'est pas facile à dire. Ce morceau est très calme et plutôt instrumental et qu'on n'a plus beaucoup de temps, j'en profite aussi pour vous signaler ce que je vous disais tout à l'heure à propos du Sonic Visions Festival qui va se dérouler du 14 au 16 novembre. C'est la place to be, là où il faut être pour les artistes, les professionnels de l'industrie de la musique et les entrepreneurs créatifs de la grande région. Vous aurez l'occasion de voir du contenu fait sur mesure pour vos projets, élargir votre réseau, votre horizon et rencontrer d'autres artistes professionnels ou des personnes issues bien des industries créatives. Il y aura notamment le jeudi 14 novembre une masterclass avec Sylvain Belmar, d'autres ateliers très pratique sur comment jouer des concerts en Belgique, en France ou en Allemagne, à quoi faire attention quand on organise une première tournée, comment promouvoir sa musique en ligne. Et puis il y aura aussi un bar où vous pourrez rencontrer pas mal de choses. Il y a des invités comme Pedro Winter qui a été travaillé avec notamment Daft Punk, ou aussi Mark Reynolds, qui est l'artiste manager du groupe Imagine Dragons. Ça se passe donc à la Rocale du 14 au 16 novembre. Allez, je laisse encore la musique pour Anantakara, et puis on retente le coup avec le Kurt Dimmer Blues Band. Alors le CD a l'air de marcher un peu mieux. Donc on va écouter le morceau Fire Escape du Kurt Dimmer Blues Band. C'était notre powerplay aujourd'hui en Planète Indie. Je vous retrouve donc le 7 décembre pour un nouvel épisode, pour l'épisode numéro 415. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, un bon dimanche. Cette émission sera rediffusée demain dimanche entre 17h et 18h30. Vous retrouverez le podcast aussi sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis n'oubliez pas, nous sommes présents sur Facebook. Donc vous tapez Planète Indie et vous arrivez sur Facebook. Voilà, je me tais, à très bientôt. Mountains. tree.